Bonjour. Et bonjour. Je pense que vous me captez bien. Je suis revenu. J'ose croire corriger les règles. Voilà. Et voilà. Le son est bon. Voilà. Veuillez excuser parce que bien avant, il y avait une erreur à déconfigurer cet appareil avec YouTube. Et voilà, on nous a signalé que tout va très bien. Il y a les sons. Voilà. OK. Merci. Et désolé pour l'inconvénient. Il y a les bossos. Même si Nazali Moutouya Mboka y a technologie à l'écolo, mais Nazala a vraiment ma casse la technologie. Et d'abord, au bout de la ma casse la technologie, on sautait en réalité. Alors, ce qui nous a dit ma casse la technologie, c'est pour Yamelou. Et Batoum Sous, ma casse, il y a la technologie. Alors, notre fils Oazali Makas n'a pas de technologie Azate. Il faut tout struggler, tout souffrir, oui. Je suis désolé, je m'excuse pour nos inconvénients. Parce qu'il y a deux amis, ceux qui m'ont mon avis sont en ligne. Ils sont préparés pour que Balandabiso. Alors, inconvénients, il y a des gens qui ont malamouté. Donc, nous présentons nos excuses. Et voilà, tout le pour la mission. Et toujours, ma camboumoko, mais information de ce et ceux qui ont information de ce nous venons toujours pour que Tomekako expliquer de quoi il s'agit. Lobby n'a comment qui que la poste n'a pas na Facebook. J'avais écrit que la garde président Félix Nabatunaye Balingi ko désarmé garde présidentielle. Vous allez déjà comprendre déjà en plaire ou bien ma conséquence il y a une yandengwana. Pas bien qu'il y a un garde présidentiel, mais à l'égard des armées, la garde n'a rien beaucoup. Maintenant, vous avez dit que notre frère est inconscient. Notre frère ne comprend rien autour de lui. Notre frère ne comprend rien dans lui. Il décide de désarmer sa propre garde. Mais la garde présidentielle, on est allé garde avant Tchabangouana, parce que la garde présidentielle, il y a Kabila, Bazali toujours n'est pas à Kabila, parmi les 2500. Alors, il semblerait au bakenda de formation, tout le monde a qui, nous voir, les belés, ils ont marché dans la ville, partout. biso bana ya chilombo. Alors bazali bagarde na yo moko. Alors bagarde na yo moko na kati na infiltré bango parce que la personne qui gère la garde présidentielle azali milvor. Azali milvor. Ya yo moko meyi. Alors nani siko a infiltré la garde présidentielle. Il a demandé que la garde présidentielle soit désarmée, mais après réunion, il y a garde, il y a garde présidentielle, batine de lié, mais pour Balobi, attention, parce que ça salerait ce que désarmer la garde présidentielle, ça signifie aussi désarmer Yomoko, et c'est-à-dire que au tikinzela na fui eleka mbuma eleka alors to yebite mbuma nini eleka likala konki eleka mbuma ni dame eleka be mbuma nini eleka ba ibisi a realité ces moments là ezali conseilé ezali mise en garde la garde présidentielle que soki o meki ko désarmer biso to ko désarmer yo. Alors, la garde présidentielle se retrouve dans la sécurité par rapport au président Abango. Président Abango se sentir à l'insécurité par rapport à la garde présidentielle. Alors, vous allez remarquer que notre frère Azali n'a pas moto 4. Il a 4 effets autour de lui. Où il y a beaucoup bêtement à occasionner. Moto Aliboso, tu vois qu'il est dans 5. Moto Aliboso, les amis, il y a un frère Naye Kabila. Parce que ça, la deal, pour lui, il Congolais pas idiot, il Congolais pas naïf, il Congolais pas salé de mon côté. Mboka oyo ezali mboka papa na ye Tshisekedi atikela ye akoki kosala nyonso alingi sans avis ya Congolais. Il a akoki kokutana pe na moninga na ye na même situation. Moninga na ye se kwa mboka wana ezali mboka na bango, mboka wana ezali Rwanda, mboka wana akoki kosala nyonso oyo ye alingi e azosala. Bango mibale, bake kokutana, sans avis ya peuple, sans que peuple a mandaté bango, sans que peuple a pesa bango crédit wana. Félix Aoukina IDPS, IDPS n'est pas un parti national que ozali na du nord, olika olika te ozali na kati. IDPS ezali fait privé ya bato. Bakutani pour balouber la kamakambi ya mboka. Mais moutou mokote a pesa bango manda pour na kolo bake bon, bino batu ya IDPS, bo sangani, contre Mobutu, biso peuple za ipatu. Pesi bino manda, désormais makabo nyonso etali biso, etali mboka na biso, bino batu bela biso. Non, ezali mafe privé na bango. Na kete mafe privé na bango, jalousie koti comme d'habitude, mote mama. Pekindoki. Moninga na bango a éliminé systématiquement baninga na ye. Bali ya bakenda, baki basa bakenda, bambu anket bakenda, batu anakiso bakenda, ti idepese yeko tika la parti ya mutu moko ya ye, ya fami na ye. Escroqueri, assassinant, solsiteri. Je disais donc, bana oyo ba momi balé, bake ko koutana, bake ko signé deal na bango, bangaje yo nangaye motozo la danga siko, bangaje biso. Oko tombola mousabi na yo teke yo mouto tindake bango, o tindake Félix ou tindake Kabila. Nana ko tombola mousabi tenga na tindake Félix ou tindake Kabila, je ne les connais pas, na pesa bango manda moko te, mouto moko te apesa bango manda wana. Bakutani, basali deal. Donc, on a des gens qui ont mis ça là. Ma trahison. Et ça, on a dit que ça, on utilisait Félix parce que Félix ça sera un combo ya famille Tshisekedi. Bah il va être très bien qu'il va utiliser Tshisekedi moi d'ailleurs Tshisekedi attend maintenant c'est au Kangabango les alliés Tshisekedi au moment où intervenir bah au Kangabango t tellement qu'il est considéré agent de Kangabango de cinéma na Congo qui est Tshisekedi au moment. Voilà. Bah, tu disais que Félix, c'était parce que Félix Azama casse physiquement, parce que Félix Azama yele, il y a un bon ou la bachèque. Non. Bah, tu disais que Félix, parce que Félix Azama combo, il y a Tshisekedi. Bah, tu disais. Mais Herbe, on est utilisé yé. Ce qui est bon, c'est qu'il y a un bon à Félix. Vidé, tu m'as dit. Ça m'est pas dit, bah, il y a même moi, si je suis Herbe, on a dit que moi, si je suis Denis Nyakero, il y a bon so ekoyi na maboko Félix so ki bas ba bongo na ki chèque ya $1,000 non ya 1000 francs Félix a yako bimisa na bango 700 francs 300 oh non 300 donc c'était en tout cas donc pinyeu mais yo chèque ezala ki ya 1000 yaka na 1000 to kabula ekomi sou 700 600 ndenge ni ba en fait donc en tout cas c'est-à-dire c'était donc pinyeu et yako il est pas à moi de Tshisekedi. Ce qui est bon, c'est que je me suis dit, oh non, tentative d'assassinat politique. Et papa n'a rien à voir avec la politique. Papa n'a rien à voir avec la politique. Il est pas toujours utilisé pour le business et maintenant. Kabila a dit très bien que les gens ont dit, bon, bon, tout est ça. Bike zate, expérience zate, asala nante, banda botama. Aïe, tu disais, direct. La diluana, Kabila s'est bien préparé que aïe, ni moutou, oyondenga zali, ayoka makaba ba chek, ayoka makaba ibiza, ndenga trahiza baninga na ye, ayoki makaba genève, ndenga trahiza baninga na ye, ayoki makaba na ye, ndenga trahir pochi na ye. Kabila se prepare, au cas où. Baro bakaba benga na kabina kirete, e zonga la toujours. Ndeko oyo limu na ye, yako beta chite ya sima, yako trahir baninga, e kote liye. Akenda ki ye mko, atuna ki kongole mokote. Akenda ki ye moko. Kongole moko atinda ki yete. Kongole moko apesa ki ye mandate. E bebe liye. Dikamba pepe kuti na kati. Tango azali ko buka mbongo aleta. Tango azali ko lia. Mwasi na ye ba Dubai ba feti. Ye moko. Bandeko na ye. Kombo ya pepe zate. Kombo ya pepe zate. Et l'autre, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez tribaliste, vous avez dit, yaka, avez dit, vous pangistane, dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez kabila za avez dit, na avez dit, kabila te, ka experience na vous avez dit, kabila, avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, peuple avez peuple. Peuple nini. Peuple nini. Peuple oba, ozo tika na nzala. Eza la kutu na mboka na yu na Kasai. Kasai zo kufa nzala. Bana Kasai bako kulia ni selekete. Bambuwa esili. Bambuwa esili. Bana Kasai bako mikulia mitu rouge. Mi selekete wa mitu rouge. Soko tamu na Kasai na miseliketi na mamiri ya sali susute. Mabanki na sobe na zamba isili. Ket peple. Mwasi na yako hiko kenya na restaurant ya kongolete. Paske le $2,000 par plat. San kofuta milukwa na msoba masanga. Ba champagne kuna na kati. To consider par exemple abrile $10,000. Les $10,000 que ta femme a brûlé dans Dubaï. Ta femme a eu aucun de vos comptes dans Wenzemo, au terme à Lewa. francs, bah, combien de francs, je ne connais pas la valeur de votre franc. Tu considères, par exemple, par exemple, 500 francs. Moi, si je suis dans un restaurant, il y a Maléwa. 10 000 dollars, $10,000 à Tiki. 10 000 dollars, voilà ce qui maman m'a demandé, pour que Kolia n'ait pas naïe. Maman, l'économie naïe aux alassos, maman n'a pas naïe pour que maman n'a pas naïe pour que t'as gâté. Qui s'est ressemblé à t'es? N'a pas refusé à t'es? Yo, ce que t'es besoin. D'abord, avion, pourquoi Congo, Tina, na Dubaï. Au commun à Dubaï, autour na yo, kaka battu à Poka. N'a pas mis le vol au Kenda qui n'a pas le bac et n'a pas le bac et Félix a tchalé qui naïe. La délégation a fait exactement ce qu'il y a, mais je veux dire qu'il y a un très bien à Zaka qui est à Dubaï. Dans le bilan, parce qu'on a signalé ma autorité. Il y a Congo à Dubaï. On a signalé la présence de notre première dame. On a signalé la présence de l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa. Ma belle Zaka, il y a un très bien. Il y a un très bien. Mais quand tu as il y a un très bien. Tout le la première dame. Bon, et bimi. Mbongo wana, ceux qui vraiment ont un restaurant, il y a Congolais, na Kinshasa. N'ego qui n'a même pas de la diaspora, restaurant, il y a Congolais. Et ça, restaurant, pas de nouveau, parce que Congolais, qui est de côté d'un restaurant, pas de nouveau, il y a facture 10 000 dollars, tika, n'ego tiki na Dubaï, ma beza wabi. Obimi na restaurant à Dubaï, économie, chiffre d'affaires, il y a Batouana, il y a restaurant. Il m'a dit, on m'a dit, c'est bon. Maintenant, on va foutre la taxe dans Dubaï. Taxe, on va servir dans la communauté. Et on va servir dans la communauté. Tu peux qu'il cite qu'on l'y a, ou qu'on l'y a. Mais attention. Natango zana ban na bazana nzala. Natango zana ban na bazana nzala. Ou tiki nzala na ndako. Papa ya dengeni ni mama ya dengeni na kwenye kote na restaurant. Conscience na est tranquille à sa colia le marché mais on n'a pas dit que on me débatte na yeta bana yenzala alors mon grand frère pour dépenser monter dans ma restaurant à Congo et tellement bazaba baba pas inconscient à éviter qu'est-ce que c'est pas quand il bazo ça là bango bazo filmer. Bisous tout le monde, parce que c'est ton lobby. Mais si vous avez fait un bateau, vous avez fait une photo, vous avez publié. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Vous avez fait un bateau. Alors, vous avez fait un bateau. Vous avez publié. Bisous tout le monde. Vous avez fait un dit na bango du baby. En tout cas, na côté fort. Parce que lui, en réalité, il est mon papoui. A yepsi batou fa na consultation, il est na kabila ba okabanate. Tolo baki ba militaire, bazana kanda. C'est vrai, ba militaire, bazana kanda. Oko ya kou bate ma conversation tout sur na ba militaire. Bazana kanda. O désarmé. Garde présidentielle. Ba boi, ils sont des armées, bango bako des armées yo. Mais bako vraiment yo ko yo des armées. Ezali kati la kingakati, il a 2500 militaires. Mutu moko. Azala 2500 militaires. C'est comme si azali 100 ans. Il faut battre la yé. 2500 militaires, à part 2500 militaires, il est protégé par Badio, il est protégé par ma crocodile, il est protégé par ma python, il est protégé par ma vipère, ma lion, ma python, ma gorille, ma crocodile. Bishop Zolé Saban. Bon, on a Bishop Zolé Saban. Badio et Baye. Badio et Bishop. Balobi akoloba lobby. lobi jedi akoloba. Bon. Congolais tellement tout ça dans la mémoire du coup c'est Congolais aye bakate, qu'est-ce qui s'est passé hier? Aye bakasute. Na ebite, soye na biko kakoliaka. Soki ba tchel de biso kumulikili ya ndenge nini ebebi sa biso mitu. Congolais aye bakate, qu'est-ce qui s'est passé hier? Congolais aye bite, Félix Banda Azawana, tout ce qu'il dit. Ezali oya sarakate. Tout ce que Félix dit, ezali oyo Félix a sarakate. Beaucoup moins congolais, tellement Félix a été congolais très bien. Ah, Félix a roulé, prof Félix a roulé. Mais vous voyez déjà quand Félix a roulé. Vous voyez déjà Félix, c'est un enfant. C'est un enfant. Moi, je suis venu quand vous voyez, c'est lui qui, ah, papa, nous ressemblons à un camion. Papa, nous ressemblons à un avion. À mon avis, il qui, papa, nous ressemblons à un avion. Papa, nous sommes dans le bateau. Papa, nous sommes dans Nako. Et pourtant, un président de la République, Nathan Gozali, la propagande, Balobaka, Nako Saboué, Nako Pesaboué, Nako Tongaboué, Nako Memaboué. Tant que vous la présidence, vous avez eu le fondi, et vous avez eu Nako Té, et vous avez eu la Saliboué, la Pessiboué, la Memiboué. Natoiboy. Mais tout ça toujours na propagande. Nako. Deux ans y'a. Félix a aimé bien. Vie na yezo dépendre na Kabila. Kabila a aimé bien. Vie na yezo dépendre na Félix. Dans le sens que Félix serait atteint Kabila. Kabila vous allez en trouble. Félix paye bien. Celui Kabila dit qui est, Félix a en trouble. Ce sont des bébés si à moi. Les bébés si à moi, Bazali, Bano, Babotamaka. Peut-être ma colombie, Balé, tout. Ma colombie, mi Balé, Ndengues, Alakaboué, mais tout ce qu'on mi Balé. Voyez au cas où la banque est zate. Il faut qu'on m'aime. Là-bas, docteur, il y a ma casse. Pour barrer sur le cas où la banque. Mais même au cas où les banques, bad, ma colomie, balé. On peut s'en moquer, Félix n'a Kabila, ma botami, ma coloca, mi balé. Mais mi tout si koyo, mi balé. Ma boko, mi balé. Alors, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Ma boko mi bale, ma kolo mi bale. Mi toka ka mi bale, boka bula pa mende geni, ba woko fati. Donc, l'un dépend de l'autre. Ya mouna baki, na zo repete. Na zo lo ba toujou, na kongo na biso isamble ke bandeko, na biso ifu ko repete. Ma ena zan bise, ke bandeko, na biso bazali mba soda, nzo kande balanda ka biso pe. Nzo kande susi, maka boko biso togo baka. Balanda ka na kou, e ba apuya ka biso. Na Zamba. Ozo appel ya Facebook na Zamba. Bakote ya Beni. Papa tozali na Zamba. Tosombi mega ya telefone moko awa. Tobenga yo tozali group. Tozali na Zamba. Makambo baki gobi ya banyoka. Papa ozali nukola tena ya mi papa. Ozali nukola ndoki. To landi yu lobi, o lobi makambu ya ba nyoka, ya ba soda na biso na ba nyoka epai, ba bota malamu za te. papa na mama oyo to sombi mega oyo to tindi moto ake na centre na mbango nyonso asomba mega oyo ayebisa yo papa makambo ozali koloba soki bino nyonso na bakongole bozali libanda meme na kati bozali koloba meme langage tokosouffrir boye te tozali bamilitaire moye tobima eza te mboka eza mboka na biso tozali kondane tokufa awa mais makambo nini bazopesa biso po tobundela mboka ndenge olobaki yango papa na video na yo tolandi yo babota manuma eza te lokola yo ozalaki na biso awa mbula toza na bimperméable te tobatamaka na se ya makasa alobi makasa komaki ya quelque part abi matiti moko vala alobi tobatamaka na se ya matiti ya langa mbula so ebeti tokati moto ya moto akati matiti yaata mibale misato amizipi na motu makambo ya nyoka olobi ya desela de jour ndeko na biso nyoka esuye na likolo soda nyoka swaye na likolo soda azalaka na bote bote ekendaka pembeni ya bagenu papa babote toza nango te tozotambola na mapapa soki ozali na bote loba ndeko na yo asombelaki yo bote atindela yo ndeko na biso avantiere nyoka esuye ndeko wana azali na centre na hôpital toyebi vi na ye te toyebi te vi na ye kozala ndenge nini nyoka ya mabe vipere esuye banda bakotisa biso na franka oyo tozali siko tozokende 5 salere ezalaka te moto na moto bozokabula boite ya sardine moko alobi ya 2 mois passé bayeli biso baboite ya sardine awa badate esila papa omona boite ya sardine libanda nango linzanza nango deja baruye linzanza nango baruye toverifie badate boye date esila nzala koepai tosala nini papa tole moi je l'ai dit merci d'abord pour le sacrifice de bino mais eloko nakoyebisa bino basi baboma bino kotaka kokotisa bazokotisa bino na zamba edaye ime dise esika barebele bazali esika barwande bazali tozoyeba bazali esika nini mais bakomanda na biso bazali kotinda biso na bisika mosusu soki balobi o no barwande bangwana groupe bazali na kote est ya ville boye papa na biso esika ozali toyebi te soki oyebi est ya mboka na biso la plupart tozali awa tozali bato tozali bato ya est tozali bato ya west bokozwa bainformation barwande bazali esika boye na parti boye ya ville boye ya mboka boye ya village boye tokende mbala moko bango bakotinda biso soki bango bazali na west bango bakotinda biso na est mais bango balobi baza kutu ndenge nini biso tozokende strategie de guerre alobi na nga bazosaaka strategie de guerre ezalaka ndenge wana papa bokokende bokokota na zamba moko boye stationne bovani bozela orde botongi banganda ya makasa boluki mwa source ya mai mpo bomelaka bovandi wana ration biloko akolia ya kotikela biso ezoya na likukuma moi jeleredi merci boza deja sacrifie bosi bokufa deja lokola bakoti bino na zamba bazopesa bino baministre malamu te bazopesa bino biloko akolia malamu te babote eza te biloko nyonso eza te mais je pense que lokola bozali sacrifie esika bozali bokoki kopesa exemple na bamosusu oyo bateka kaka bangwani bakomanda na bino nayebisi bango ndenge boza na posibilité ya kokona félix te bokomona ye te maloba na bino soki bolobi okomi pa félix te soki boyebisi komanda aza pembeni na bino ye ifo apesa komanda azali kokona ye likolo na ye a charge wana pe si nisusua change wana kuna epa Félix e okoma nini basoda na zamba kuna bazali na moral tranquille moral eza malamu kitoko pa de problème soki bango bazali pembeni na bino bopesi bango exemple bokabolili mutu na mutu fruit moko mutu na mutu fruit na ye oyo batikali bakozwa exemple keba mapinga bakomi kopesa bafruit na bakomanda na bango et il y a le conseil national à Koyoka. Na yebi ke même à Yoko, à quoi ça les veut comporter. Avant sa décision, il faut Rwanda et Bisaye. Et qui t'a qu'il y a Maya. On a fait, je pense, on a fait dans Bango 24 minutes. 24 minutes. Même situation. Alors, je disais pourquoi Congolais a osé la Félix à l'Oba. C'est comme si Félix, Félix à l'Oba, basse la satisfaction. Il y a moi, il a osé la moussoufa à l'Oba. L'Oba, il est l'Oba, il est l'Oba, il est l'Oba, il est l'Oba, l'Oba, il est l'Oba, il est l'Oba, il est l'Oba. Félix est un petit garçon qui déçoit. Allez, c'est Félix a banda ba déception, banda famille. Banda famille na ye moko déception. Na ba nina na ye ba chef na ba mneko sa la ba déception. A koti na souhait politique, ba déception. C'est un gars oyo azali ko mérite respect ya moutou mon côté. Tous les gens qui ont besoin ya oyo, azo sala makambo azo bebisa bandeko na yete. Tous les gens qui ont besoin azo comploter na papa yate. Tous les gens qui ont besoin oyo, azo détourner mongo butu moite. Tous les gens qui ont besoin mboka ya inconsciente. Tous les gens qui ont besoin mboka ya idiote. Oui, ba idiot ba koyi kozala. Na mboka nyonso ba idiot ba zaka place na mongo totika kabamo. Ba mboka ebele soki bomoni banga oyo abota makaba mongol. Oyebi teke mongol ba chaka bona basanti. Moi, je sais que le papa de Félix, Azala qui est, Ayebani, Congo, Mobima, Toyebaki, et ça passe pour Bozoa Mouana et Tien Tisekedi, même si à Botami Mongol, Bozoa Mouana et Tien Tisekedi, pour que nous tchaye dans le centre de Bamase. Hein? Pour repousser la théorie de Bozoa Mouana et Tisekedi. On comprend ça. Voilà pourquoi on a laissé la famille Naye. Mais c'est un type qui devrait rester dans le centre, au Bachaka Bamongol. Voilà maintenant, vous voyez, vous avez dit, Azali, vous avez fait des gens, vous avez fait des gens, notre jeune père a beaucoup fait de colo. Ce qui va le dire, syndicat de la réunion, il y a conférence pour le Congo. Moi, je serai tranquille, il a dit que le syndicat de colo a la tête, avait la tête, à quoi il va défendre, même à défendre les riches, mais il va défendre quand même. Moi, je connais que Olivier Kabitatu a la tête. Olivier Kabitatu qui a accueilli dans ma réunion, dans ma conférence, il va défendre, même à défendre ma bêtise, il va défendre. Jean-Pierre Bemba, qui est dans ma réunion, il y a la politique, le dialogue, il y a un dialogue, il y a un dialogue, Jean-Pierre Bemba, à côté de moi, à côté défendre, même à côté défendre ma bêtise, à côté de moi, ma riche, à côté défendre. Mais quelle expertise que Félix a Zanabo, au lieu de non, Félix, Oyo, moi, tu sais qu'il dit, oui, ton émaillé, na réunion, boye, na discussion, boye, na dialogue, boye, na forum, boye, moi, tu sais qu'il dit, Oyo, a zan expertise, a konoba, ni, boye, bisanga, quel est ce point, y a repère, y a beaucoup de sa Félix dans la réunion politique, si ce n'est pas le nom de tu sais qu'il dit. Ah oui, ce sont des vérités, na ebi qui est la capacité, na ebi n'est pas la bozo voix vila ce qui bon monde dans sika dazali les lo a ne mo sauter linga de ko na ba ba ba ba ba ba Mais c'est une vérité. Dites-moi, voyez Bisangai, quelle est cette expertise? Oyo voyez que le bakeno, moi na tshiseke di oyo to memaye, quoi le belamboka, to memaye na réunion X, à le belamboka, à défendre mboka. Et quel est le fait? Et Zayo, oyebi, et quel est le fait? Congolais, tous toujours naïf. Ah, tous et la félicité, tous et la félicité, tous et la congolais, Akolobanimi, choisis encore, il doit démissionner. Nazo le pété et le roule chaque fois, Nazo le bayamo. Si Félix avait prouvé la bonne gouvernance, na katia bureau na ye, na présidence na ye. Soki alaki saki biso rigueur ya musala. Soki alaki saki biso ke yasa na musala. Soki alaki saki biso ke azo traquer batu nosu bazo yiba bongo. Oui. Kongola koloba ke oui, Kabila azo tsaya bakana. Kabila azo tsaya bakana. Mais total na présidence na yo, azo gouverner par des mensonges. Azo gouverner par l'arrogance. Dans le vide de l'arrogance. Et le kweiko. Azo gouverner par l'arrogance. Et détournement. Point ni kwe kotinda kongole to kote la moana mboka oyu pase kabila zo tchaye bakal. La présidente mbongo zo bonga mikolonios. Mbongo zo lima mikolonios. Ba budget dépassement budgétaire chaque mois et zoya. Famille na ye bakapage pa mabam. Batuna bande kona ye, okuta, même les kambouyangwe zomona. Eza la pantalon ou yu alata ki, ou elle serie. Na jour y a investi se na ye, pantalon wana, ba komi si a bon fake news, mais le pantalon la se, il a porté ça. Pantalon yu a badiaba. Loko na mouto sa la problème y a poukou. Lelo ou bande kona ye, ba defanda ka pantalon wana ke za. Et ça, fake image. Mais image on les authentiques. Image on les authentiques. Le langage qu'il a parlé dans une université, personne ne se demande ce que ça signifie et pourquoi. Pourquoi? Bandekunaye bazo ideye na mason, tellement baza batu ya mensonge, mensonge ezali culture na bango, baye na mo présidence, et ils ignorent que présidence ezali une institution. Ba gouverneur na mensonge te, ba gouverneur na mosala. Tokoze la Félix Anoba, tozoze la Félix. Mais je me demande, est-ce que ba Congolais vraiment? Tout ça n'a problème ni dans les tournabissons. Moi, là, ça a dit chaque fois. Félix Obama. Kabila peut coquer de l'élo. Kabila peut mourir aujourd'hui. On peut arrêter Kabila aujourd'hui. Tout est côté que Félix a yé mon co. N'a pas été qu'on a yé famille. N'y a pas de clame au bimbadé qu'on s'y va à la présidence. Je vous dis, Félix a posé les locaux moko te pour nambo cannabis. C'est d'abord un problème de la tête, un problème de l'expérience. Expérience exaltée, moutou exaltée. Je vous dis, naïbi que ça fait mal. Il ne faut pas me dire que non, aza ban na koko la. Mais non, ceux qui osent na ban, ou ebi très bien que ban na yo, il ne faut pas respecter yo. Ba mona ba kwa zo respecte yo. Soko yebi ki ozana moutou moko, ozana moutou moko, bezale na yo, yko yko pesa yo responsabilité publique te. Kokota na responsabilité publique te. Soko na responsabilité publique, eh ben, vous ouvrez la porte, ya ba kritik nyonso, même ba injir, eko zala. Na tan moutou bada yko finga kapila. Nathan Mbadé aussi dans Mobutu. Vous ne saviez pas que Mobutu avait des enfants. Vous ne saviez pas que Mobutu a une mère, naïe, la famille naïe, il faut qu'on respecte. Nathan Mbadé aussi dans Kabila. Vous ne savez pas. Vous savez pas Kabila dans la banne. Vous voyez pas qui on est, il n'y a pas de respect pour la banne naïe, respect des parents, respect d'un père de famille. Vous voyez pas qui a côté. Respect. Il y a père de famille, respect, il y a papa, il y a bana, et il y a Kakapona Félix. Avec nous, ils ont quitté. Avec Laurent Désiré Kabila, ils ont quitté. Combien vous finissez Laurent Désiré Kabila, Tengo Ao? Combien? Laurent Désiré Kabila, Kadikou, Tingo Netingo. Binote. Vous voyez pas que Laurent Désiré Kabila, Bozo Yemba Bongo, Laurent Désiré Kabila, Zanabana, Bazo Mona, Nenge Bosoufina, Papa Nabango. Moubutu. Azalaki na ban. Boye ba kite ke Mobutu bana na ye makambozolo bapona Mobutu bana na ye bazo. Bana na ye bazo yoka. Bomona ki ngote, alors moral la bino des idiots ezali kouya juste parce que ba beli mwana Tshisekedi azali nani balobela yete. Moi j'ai des photos sur Facebook. On a des familles qui ont Tshisekedi. On croyait na kuta na bango ya 37 ans na tangwana j'ai porté une tenue militaire pour la première fois na mboka Corée, la première fois papaya baya kosala marche contre l'ambassade ya mboka na ambassade ya bato mususu. Ce n'est pas n'importe quelle ambassade, ambassade des États-Unis d'Amérique. Na tangwana nazala ki professeur mwana maye patriote. Lelo na boye ko beta maboko na idio na bino na za sous professeur te. Ah professeur apesa ka baba apesa ka baba éducation éducation professeur éducation apesa ka soki boche 1 million na moto ya mboka professeur aya ko lobela bolongo la idio wana place na o professeur ayebi nani akoki ko sala président de la république. Et allez, mon Dieu, pour la PNCD. Éducation pour son idée. Tous ces moralistes, tout le monde a dit, attends, tous les filles à Pissonius, tous les filles à Kabila, tous les filles à Mobutu, tous les filles à Dora Désiré Kabila. Tout le monde, on était des patriotes. Tous les filles à Banamboka. Au lac, il y a un tribu, il y a un Tshisekedi, l'escroc national. Bako bete lo kapoko, voilà, professeur. Voilà, Isaac Kabouye. Moi, na mayene. Kwa yoko tuwa komi sanga ke, nga motu na inventa mki. Boni boni, 2011 to wele election a Tshisekedi. Professeur ya balan. Très intelligent. Moi, na inventa. Patriote. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. Aza sous professeur T, aza de cuisinier, aza sous la. Même ma bongo na bina bolé na kamboa. Ma bongo na bina tonda na ba soupe ya mboa. Elle moukou y bongo, koko pesa même moi on air ya bongo te. Et interpellé, ce que vous faites. De quel peuple parlez-vous? Peuple nini, Bozolo, mais la peuple nini. Bon, n'a émis que conscience qu'on a eu à la cathé, morale qu'on a eu à la cathé, et on a déjà compris. Dans l'année pasteur, dans la vidéo, mon perso, les gars, dans le net, pasteur a l'oubli, il y a beaucoup de gens. Les Congolais ne peuvent jamais. Dans mon avis, on a un peu de temps, on a besoin de la caméra net. Les Congolais ne peuvent jamais. Vous savez pourquoi? Les Congolais ont un peu de temps. Mais vous avez remarqué que Kabila a un débisso. Que dans le cas où les Congolais ont un Congolais ont un peu de Congolais ont un peu Congolais, ils allaient jaloux pour détruire. juste Kabila est débissé na kati ya Congo to ba ko to ba ko comprendre en général congolais zalin duki mais to yo ko mona siko Kabila est ko débissé parmi ba congolais ki ndoki wala to ba kapela ki congolais za motema ma ben duki to yo ko remarquer et où tu wapi et où taka wapi bravo oui débissé to yeba ki ndoki wala ba congolais en général, mais tu es remarqué. Vraiment, bêtise, c'est mon âme. Bêtise, c'est mon âme. Ndeko Félix a zoké l'eau de mon côté. A tout ça, l'eau de mon côté. Ma camionnette, c'est la bêtise, bêtise. Mais vous verrez des gens venir les défendre. Vous verrez des gens. Sauf que nous nous défendons pas moi. Nous avons des gens qui sont mon côté. Mon goût, c'est que mon côté. Vous avez dit que vous avez dit pourquoi. On est comme ça. Madame, vous souffrez, Congo, et soit Madame Boka président. Casa vous, Bazaki, mon avocat. Madame Bokate. Mon bout à Zaki, Madame Bokate. Nous allons les aider à Madame. Madame Bokate. Donc, Madame Bokate. Mon bout à Zaki, Madame Bokate. Casa vous, Madame Bokate. Badou Mouma, Madame Bokate. Madame Bokate. Madame Bosso, tous soit Madame. Président, mais nous sommes tous vraiment en boca président. Quelle idiotie! Lelo Oyo, c'est trop tard. Même si il y a Bobby Lelo qu'il faisait semblant, il y a Kabwana Kabila. C'est trop tard. Dans le la hypothèse à Kabwana Kabila, c'est trop tard. Deux ans, c'est trop. Ma plaie et l'équipe Ming, il a divisé notre pays. Il a divisé notre pays. Yéna Kabila, Basil Sama, Bango, Bangomi Bale, Bazali, ma frère. Quelqu'un me dit, Mirvor Moka Benginga, a Bengi Ming, il a joué à Bayabati. Alobi, yo nobela ka balumba, na nobela ka balumba. Nga sona lobi, soito lobi kolia mboa. Kolia mboa, eza mabe. Comprenez-vous, bande koko basan dengeni. Mituna bangwe salakati. Il faut interdire, franchement, tout ça la blague, il faut interdire la viande ya mboa. Soki balobi nangaye, olia ka fumbo. Nous avons une identité. Nous avons une identité. Ce qui est le nous avons une koba. Nous avons une koba. Nous avons une koba. Nous avons une koba. Nous avons une koba. Nous avons une koba. Nous avons une koba. Nous avons Boseki, il n'y a pas de problème. Mais si on l'obtient, il y a qu'à qu'on y a qu'à Mboa. Fatou. Fatou. Fête, wana ba mese ou baluka. Soki boza na fête. Soki boza yé nanda ou ba mese ba télévision ou baluka. Oh, l'obtient, il y a qu'à Mboa. Alors, ba mou, donc, boye bi. Na Mboa na boye a qu'à ilo, boye sa yé na Mboa wana. Alors, boye nga te, ba tu ba yé, ba ki boye a qu'à Mboa. Pour moto à la gamme, ils ont le problème de banque. N'a pas de côté. Kabouya, Mayako, Maman Mwanzadi. Vidéo dans votre chaîne Facebook, n'a pas de côté. Maman Mwanzadi. Kabouya, des bateaux maniaques en bois. Moi, on a la soupe. Maman Mwanzadi, yébo, d'alimenter qu'on a pas zolamba. Bien, mboa, soke sangani. Moi, on a le soco léa, soupe nango. Vertige qu'on est kadiamba. A sangi se bango susu na diamba mususu. A yeko bakisa bango na agene. Oye, pe la kawana ya 400 wana. E pe la kaso ya 40 wana. Tu e 40 soki nini. Soke chale met boye peni. Imagine yuko. Bo pe se bango mboa. Sou bango da boye troubla kame tu. O yeko bakisa bango diamba e troubla kame tu. O yeko bakisa bango lotoko. Oye pe la kamoto wana. Soki ya 500 wana yuko na yemite. Bali 400 wana 500. Biloko misato wana. bozori ba bilina kalaba kotonto kana kotonto bango kaka problème bango ba yoka komba ki sekeli tezo lobi na komba ki sekeli matoyi ke milai lo kona mbwa komba ki sekeli lobi na sans ki oh non ki sekeli boy ma kofi ozo voilà voilà ba te tosa na patio. Alors il faut chercher ba stratégie comment maîtriser bande kona biso comment ko rééduquer bango voir un peu le programme éducatif au niveau du Kasaï et Zali Ndenge. Mais ce que tu as dit, Kasaï, nos frères Tété là se comportent bien. Peut-être le climat n'a pas été dans le centre, mais dans le centre, les Tété là sont là, ils sont là. Et vous remarquez que na Kasaï ba pende bazali na Kasaï ba tetela bazali ba tribu nsu sezali mais so tali ba tribu na nyonso ba tumitu ningana e sali ba alors pourquoi vous déduire te bandeko oyo balia kanini parce que so bolobi ka la région peut-être climat ko na so e climat za de quoi c'est que ba tetela pe mitu na nosa troublé ba tetela mitu na nosa troublé ba pende mitu na nosa troublé ah différence entre bandeko oyo oyo ne baliaka mbwa voilà oyo baliaka mbwa ya mwana mtu na bango ezalaka bongo donc je disais un minivor me m'appelle pour me dire yo lobelaka baluba yebake baluba baza ba frais congolais parce que toza au centre na tuni oza na page parce que vous êtes dans la santé du pays et les Corbatés, vous allez vraiment ma vraie Congolais. Je ne mets pas en cause votre identité, mais Corbatés, que vous allez ma vraie Congolais par rapport à Batomsous, au Bazan centre, ma Congolais, au Bazan est, Bazan Congolais, au Bazan Koro, en Équateur, Bazan Congolais, Bissou, à Bazan Ouest, Bazan Congolais, Katanga, Bazan Congolais, ma Congolais, Bino, parce que vous êtes dans la centre. Mais vous êtes venus, vous avez occupé le centre. Ce qui vous a fait une relation à Bino dans mon brègue, les amis. Ce qui vous a dit, ma vraie complète, relation à Bino de sang, dans mon brègue, et où tu as dit. Mon brègue est perdu dans le centre. Vous comprenez? Donc, le vrai Congolais, parce que c'est l'autre côté et pas à Félix. La solution, la solution, c'est à dire qu'à Moko, le col, les commandants de Mourengue, à y présenter Bissot, après ces Bissot vraiment solution, il y a oui, Félix a dit qu'à oui, les Kalatonki. Dans le bac, il y a mon azo les pété, il y a mon militaire, il y a Bissot, il reste ma basole, il y a Bissot, merci. Le bito kouduka moyen, na centre po bazali, ba lobi kuna western e komaka, soki mani grand, soki western, to luka moyen, to apuye bango, bason bata mwa teni, bason bata imperméable. Li kalakonki kaka. Soki azwe li kalakonki. Kaka na mouma wana zo zo afek, sa zo zo li karakonki. Kabila zo pakata mbako, kabila ko vanda de. Siko bo lingi soye, so kabila longwa, kabila to lingi ete, kabila longwa, kabila kede. Atika mboka na biso, to lingi ete na mboka na biso, to lingi ete, papa, bino batu balo waka, bolo be na biso likambo, oyo, bolo ke na biso solisyon. Solisyon to luki ya mboyo. Solisyon oyo, moutu mokote akozo mwona mwape, solisyon manambi ya kitoko. Félix Aliambouma. Aliambouma, Félix Azonia, Kabila Zokima. Kabila Zokima, Kabila Kovanda, Nayebite. Nayebite, les hommes, ils sont sur les et si Kabovandi, Mitchan en Zoto Kabila, vous allez Kabila. Vous voyez, Kabandi, vous allez Kabila. Vous pensez, vous soutenez Mitchan en Zoto Kabila. Vous pensez, vous soutenez Mitchan en Zoto Kabila. Bah ouais, bah vendre quand on peut faire 10 heures. direction ba wewe kusala wana. E ye kabile sika vandi. Ayo aga a telephone ni. Nemi wilonja bengi ya pati ya toilette. Rais. Ye kumu toilette. Nazali na toilette. Na mwoma kunde na zwe kisa yu. Felix aleli karakonki. Nande kuna bisu olive lembe sika kuzalela. Naba bizima kani. Naba ubero wana. Bako vanda wana. Bako vanda wana vrema. Voilà. Alo bolingi solisyon. Na esplika ki yango bien. Nazo zonge la. Paske yi zaba ndeko msushu kompiyasyo yaka valembe. Siko wolba. Ah no ya kende boyende gini te. Na politiki balubaka. Pose la décision. Il faut analyser la décision. Pose ezali mingi mingi ya moindre mal. Par conséquent, ya perte de la dignité. Natango zo opérer même au décider pendant aucune na guerre. Les politologues analysent, oui. Parce que aucune na guerre, na politique, na relation internationale. Ok, na guerre. Oyo ba bengi ba réaliste. Guerre, zami, pour mon abango. Yango pour mon abango américain. Oh, pourquoi ba américain na guerre? Kasi, bango ba za batouana. Ba américain, relation internationale na bango, c'est basé par réalisme. Réalisme, centre nango, noyau nango, essence nango, ezali guerre. Yango kumuna kabango ino kodo seba di gye ino kuba oke na makasi na bitumba na ge. Kuba zwa ya po. Makeneka na malembe te. Se malerou mbe se sa na politik internasyonal ya bango. Bagan kama liberal te. Alors, puna oke na ge, on estime ba konsekans. So ito ke ina ge, qu'est-ce que nous allons perdre? Qu'est-ce que nous allons gagner? Na kana biso te expliquer que ce qui Félix a lié, ce qui Félix a lié, qu'est-ce que nous allons perdre na personne de Félix? Et puis, ce qui Kabila Kimi, qu'est-ce que nous allons perdre pour Kabila Kimi? Qu'est-ce que nous allons gagner pour Kabila Kimi? Voilà. Les scientistes, il y a une relation internationale, il y a des réalistes. Alors, tu es analysé. La personne de Félix, qu'est-ce qu'il a? Oyokele lo, je dis, Félix a zanté, comment il peut perdre l'eau pour lui? Non, comment il peut perdre l'eau au militaire? Dans le bas qui est en la vidéo, il y a un lobby, ce qui est le lobby sur la vampire. Yeah. J'avais dit, tu peux perdre un éminent professeur de ce qui fait que ça allait Mbouma. Mbouma wana donc, on a traduit la français Mbouma wana et ça allait oui. On ne va pas perdre un éminent professeur. Tu peux perdre un éminent scientiste de tu peux perdre un éminent astronaute de tu peux perdre un éminent politicien de tu peux perdre un éminent docteur de tu peux perdre un éminent architecte de tu repères un éminent politique, toloba, ingénieur T. Mais, et le tu repères, on va perdre un matamata de moins. Alors, au niveau du pays, au niveau national, perdre un déco ou un matamata qui mange trop. Mais bien, ça va être aux hommes sous. Kozwa mususu, kozwa mutu aliaka mingi na mtukubo bimi na balabala na mbele na kinchasa kozwa. Mais ce qui Félix Azali, par exemple, na kou nyo sa tangi, emina professeur, emina docteur, emina, emina, emina. Poko ma emina, poko zwa mutu mususu, ezali perte makasi. Ezali mosala makasi moto na bota akende classe akende boyamata barecherche barecherche moto ekomi suki ya pembe bamosusu suki ezokwea yango moko eza pasi mpona lokola toperda par exemple bato lokola baluruma lokola toperda par exemple bato lokola baliau lokola toperda bato ebele Les Congo regrettent, on a perdu un éminent professeur. Alors, ce qui te perd de Félix, quel éminent te perdre? Éminent Bogoté, juste éminent Matamata gourmand. On peut trouver, il y en a beaucoup de gourmands au Congo. Alors, on peut remplacer Félix par Modéro, où il y a théâtre. Modéro peut aller à la mine. Alors, tellement, pour remplacer Félix, il y en a beaucoup. Bato est belé pour remplacer Félix. Modéro a tout remplacé. Tout remplacé, il y a un Modéro. Là, il y a un professeur qui a dit est-ce que tu veux remplacer? Ma professeur, il y a un Dieu qui a peigné. Tu veux remplacer? Alors, vous remarquez que Congo est au père de l'eau comme mon côté. Si vous avez des côtés, par avantage. Ce qui a l'air, côté naïf, personne, on ne perd rien. Sauf un éminent matamata pour moi. Donc, il y a des côtés avantages. Ce qui fait que ça l'est pour moi. Kabila. Donc, Kanyemi. Kabila Kimi. Beaucoup de monde a rébellé. Pélé ou Ezra Est ou a créé Yemoko. Mako Kima. Oyo nyonso bozomo na oyo bazobewa ba bizi makara na kanza kutu bizi makara kufa na kanza kutu bogera kufa tala Felix ayiko seku sabango na kamwe na kanza ake bakufa bato nyonso kima kabila kima 2500 militaire kwaza na bango na baganda kaye bakoya kosala sekirite na est na biso bokufuta susu ye de 680 000 dollars de par mois, même quand tu as Félix, 2 70 000 euros, faut t'en sauter. Moi, si je n'ai pas Alors, un scientiste, il y a une relation internationale, elle a vendu pour appeler sa conseil. Dans le on a occupé la guerre. Oui, avantage et l'équipe cassée par rapport à la perte. Trop perte, l'équité. Mais l'avantage, c'est que vous voyez Pelé, 2 750 000 euros, 2 millions de dollars, il y a une maison civile, ça m'a sauté. Bah, voyez, ça va être 2 millions de dollars, ça m'a sauté. Et Kabila, vous foutez 680 000 vous foutez un militaire, ça m'a sauté. Voilà. Alors, président, go, donc il y a la guerre. C'est comme ça, le pays va être la guerre. Quel bon goût de Parce que dans la guerre, vous analysez qu'est-ce que vous avez, ma potentialité, ma force, ma matériel, vous avez dit. Et ceux qui sont dans la guerre, tu ne perds ni, tu ne gagnes ni, ni par rapport à l'ennemi. Vous analysez l'ennemi, vous analysez. Vous analysez l'ennemi, vous analysez. Bon, moi, je suis obligé de vous dire que vous avez dit que vous avez dit. Et le gouvernement Au moins déjà d'un côté, personne humain n'a armé de l'équipe. Par exemple, avion de guerre, par exemple, par exemple, calme. Ma mitaine, ce équipement, bien, bien. Alors, période de l'ouvrage, mitumba. Non? la saison de fête. Mali les a amis, bango ko ka Mali te. Ou bien na perdu la boule. Bango ko ka boule. Ba si porta ka boule te. Voilà. Et tu perds de l'île sur le terrain. Tu gagnes l'île sur le terrain. Au Benga, ma stratégie, il y a guerre. Ma toi sécurité. Ma toi relation internationale. Mon Vandi, ma Soloni. Go. Bon, il y a guerre, il y a le président Zola de Savasso. Azo. Non, on est sur les gens. Non, on est sur les gens. Alors, cette stratégie qui a sorti la crise, ma militaire va se payer. Ma militaire va se payer. Il y a un bon moni. A belle ici, ma militaire. Mais bande qu'on a vu sur ma militaire, oh non, ma militaire va se payer. Mais bande, vous êtes malade, vous êtes malade. Vraiment. Mais ma militaire wana sali so baza pro Félix. Ya no baka kufa kona pe na mboka na biso. Atinda bango na est. Toza na besoin ko mona parade ba militaire te ba photo na présidence te. Toni ko mona ba photo ba militaire ndenge bazo popula ba Rwanda na est. Ah, wana ba militaire na biso. Toza na besoin te ba militaire bola tsa bango ba teni ya malamu ba généraux ko ya na bango na présidence ye matamata na bango na kakia tsena pe. Pardon, c'est la période où on a mon abattu matamatamat. Ah, ma pays a quitté l'Afrique, ma tchaka est nassie. Na ma ministre, Téléma Kouna dit. Oh non, je suis prêt à Haïti. Comme un banga, Téléma Kouna nassie. A Ostar. Na posi, ma photo est ça. Ok, na Facebook, mon commandant. Ma photo, na la outil Gabéron, na outil Kouna dit. Bango moko, ma kede Kouna, bango moko, ma kadi, ma photo, n'est qu'on a bango, bango moko, ma tchaka, la public. Alors, biso tout le monde a fait un truc, mais ma bé, vous êtes malade, mais vous êtes dégagé. Voilà. Proposition Oyo, vous êtes Senga, Mbouma Kaka. Ah, oui, c'est Kaka. Eza la boucle, on a kaka, eza la boucle, eza la dame, eza la Mbouma Yaya Sende, eza Mbouma Kaka. Mbouma Kaka. Moutna moutoua, eza la nango. Ah, côté de qu'on a mis au président Koya, Rome exacte au servir bien. Président Yoli n'a pas mis. Oh, il y a CDR, joie. Oh, Bokomon a kaka soko pesi président Mbouma, Kapila Ozala Wanate. Et naïf sa kibino soki bo tchetembe, Tomeka. Tomeka. Oh, il y a un so bozo mouna pimena Félix, wana mabumi, pimena la sécurité, l'ukuta. Si on a un courant, on a la sécurité. Non, on va faire la sécurité. On va faire la sécurité, on va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. Si on a un bande qu'on a vu, on va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la sécurité. On va faire la Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Tosaraki, ma Hermoko, ma Tolina, Tosala Yambo, live na biso na Facebook, na YouTube, mais na YouTube, et Simba Kite, Yambo, Tosaraki, loko la causerie morale, na bande na biso sur Facebook. Totouni, batou na biso ma question, peut-être il y a des questions, même ma question tabou, na la kima ma question te, mais. Tous sont les bien avant des connus, ils ont posé beaucoup de questions. Et la monnaie qui est une salle sur live, beaucoup. Spécialement pour la bande des connus, sur la même forme. Là, il n'y a pas mon live, beaucoup. Maïa, pas tout. Pourquoi pas faire ça? Là, il se dans le bel Félix, n'a pas sa raison. Félix me représente. Signature, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est lui qui me représente. Alors, Azo représente nga malangte. Azo trahi. Azo quoi pour représenter nga ite. Yango na zo le benaye. Nazali na droit. Oh non, trop facile. Trop facile à la police. politique. La politique, balobi, on ne respecte pas ces bourreaux. On ne respecte pas ces bourreaux. C'est-à-dire que moto oazo nyokolayo, moto oazo bomayo, moto oazo yibayo. Le fait des yako yibayo, yako tungisayo, misale zade, no kuta, makamunyoso, otriche ba élection, ils allaient respecter pour la peuple. Alors pourquoi peuple appelle ça y respect? Le respect, bah oui. Il doit respecter les élections. Va voter hier, va voter. Respect président. Président azo yibate, respect président. Président azo posate, respect président. Président azo kote la bapaya, azo kote la bapaya, respect président. Président azo wang na bamor na bisopte, azo wang na te, respect président. Voilà. Le respect ne se demande pas, le respect se mérite. Le respect se mérite. Ah oui. Mutumo ka tuna kina papa yombi. Ngana zala nazi. Ba jatik ba lina ba kongi. Ba jatik ba zala. Me yon dingi ni namboka na azi o zali boye. Na di. Respect hein, ba me takayango. Ba tu oyo ya azi. Soke ba moni oza serye. Ba moni yo. Biki mulayi. Ba moni yo. Ba kambani ya moni ya moni. Ba respecte yo. Na pesa ki example ni koloana. Mutu bovani na yena kati. Ako respecto ni yini. Bamu na yu nandaku na yu bayoka hakaka makehe na kisiki. Nandaku na yu bayoka hakaka bitumba. Nandaku na yu biloko yibimaka na bapubel mingi masanga. Nandaku na yu biloko yibimaka bateni, bapatalon, kabatina, sekule na bafes. Mukolo mboka wano vani ako respecte yu nengini. Stereotype ozo pesa. Nzena stereotype na baprejudice. Bato mwindu bazala kato. Mais ce qui va nous dire, c'est que nous avons respecté le droit de la Baninga. Biki Pemulaï, nous avons une question pour les réponses. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Korea was a stupid attuning eye, and he did a pokazani. Let me James, Yango Bundi. Hey, I go to Nagandi Martin. Never a question of the one that's welcome. Namanai goes one na Kore. Yumbi, Congo na Kore Zam Sika, Africa views on a tea, Oyaki na Kore and Dengeni. Parce que ma courrier par les foules, ma caca n'a pas ma panne pour les foules, mais y est par les foules. Naïbi n'a pas sa réponse d'une façon stratégique. Bamou Baloumaka, Moutou Oyo a finga ka biso, mais Nandenge Moukou y a bien. Ce que Baloubi Oyaki n'a dit, c'est qu'en Afrique, a vu exact, Oyaki n'a bien, Nayaki n'a pas. Moniko Tenga biso côté, Matadi Babengako, Bakongo, à partir de Nakoyaki n'a océan. Atlantique, na côté assez Afrique du Sud. Afrique du Sud, on a la zone océan Indien. Na mati, na yé na mer jaune. Mer jaune, nage, ti, na komi na Korea. Bango ne soit sosé. Si vous êtes tous les bambous, vous osez capot quoi. Aou n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y n'y La tournée qui a ce monde, pourquoi? Pour battre mieux que la Libéria, Coca et Zali. Mais non! Répondre à la bien de Coca et Zali dans la Libéria. Ceux qui battent mieux, ils ont fait un discours de Mbutu. Il y a 1973, Nabi Mbutu, notre président à l'époque Zahir, Bino Erona, Losa Olia Isate, Moussouni Olia Kate, camarade Nona. Fait la yé, plaisir na yé, banda, botama, kolaliaka, banane. Erwana kore kolia banante, bananga batu walia kaba ministre. Bafunguli magazin moko ya bafilipi ya banane. Yaena ya uta kota sud, 300 km, azwi bis. Deju la komina seuri, kwa somba kata banane. Asombi banane uta mulongo na tongo. Abali mulongo na 6h, ake kota na magazin kwa somba banane na 14h. 14h kota ba banane sile, tika likwe elemba. Ifu azwa moka kazi, tuwa banane. Azwi susu bis, azongi, akoma mwye. Village mubimba bazo zela. Nani ya kolia nani ya ti. Village mubimba bana ba ye banana. Ba yoka akata banana. Avi banana nenge nebi. Akati yango muke muke kwa mkula wa potopoto. Muke muke muke muke. Mwana nyoso ya village ya pesi ya ta muke muke alia. Ayoka. Kamarana na hibisi. Plezi. Mwana mwana mwana mwana mwana ya banana. Hibisi bango mwana mwana mwana ya banana wana. Na Kongo. Mbongo wa Kongo. Un Zaïre ya Congo équivalent à $2 américains. Ba fike ba ne ko ya hôpital na Congo. Ba fike na Zaïre lolo. Alors comprendre que na yo na ngai ngamu na mela koka liboso na yo. Ngamu na lia banane liboso na yo. Ngamu na lia liboso na yo. Voilà. Bako respecte yo. Namboka kore sekre msu fezate. Respect d'abord na yo moko. Respect na yo moko. Serye na yo moko. Eske miso wapomle to zati mbongo. Esiko vanyo yibi. Ba voisin. Na se mikolo. Bembe nangamba ko yibi. Ba tapage. Ba fete na fete. Ba fete akakaka e. Ba li akakaka e. Mizik. Tina deso. Donc, je disais que solution yamana aussi. Et là, comme nous il faut que la tozole n'a pas de la roue de la roue, n'est-ce pas qu'à Benguina. N'est-ce pas qu'à Tunisina, l'opinion, n'a la solution pour la population. Le coup, la solution pour la population, les amas l'ampé, il y a la solution pour la population. Abi, Oyo Penza, solution Penza, Mboka la population les a sauvés. Ah, il y a solon de quoi. Bon, comment que c'est une histoire? Dès que vous commentez, vous avez un numéro de téléphone. Ah, Neko, je suis bien. Pardon. Je suis en train de faire un peu de biceps. Je suis en train de faire la solution pour la boîte de biceps. Comment y'a quoi? Ce qui est la monique solution, les amas à l'âme. Suivez vous avez un peu de numéro de téléphone pour continuer vos solos. Mais y'a comment dans le cas? Té, papa, ils ont une joie, il faut que tu sois là. Urgent, urgent. Papa, so comité, va na kaka. Ndeko, ah, prof, yombi vraiment au boyi, mboka isa la sauver. Nabi, ndeko, oh, non, y'a za vraiment solution, hein. Ni, karton ki ango, yé, a joué, oh, y'a joué, sa mèko. Nabi, en tout cas, n'a pas de téléphone, mais comme elle a n'a kata mke. Ndeko, oh, azo tindé la nga, page, mboka, ou biko, sali, sa. Il y a Facebook. La carte de la sur le Congo. Et si les pages à outre ça, il y a Facebook. Alors, il y a un mot. Mais est-ce qu'on a sur le nom de la Il y a solo. Vraiment. Virtualité, il y a réseaux sociaux, vraiment. Vraiment. Aux autres, on a un mot. Ndeko, il y a un mot. Donc, pour sauver le Congo, il faut numéro de téléphone. Ma solo, il faut un numéro de téléphone. Bon, benga na Messenger ya Facebook. Té, numéro de téléphone. Mama, Justine Kasavubu, Nana sa pembe na ye, permanent, secrétaire permanent, pembe na ye toujours, atindinga, il pèse un numéro de téléphone na yo. Mama kasavu ba niko solo vraiment na yo na bi. Mama kasavu ba sa politicien. So ali niko solo na abena na ye moko te mama ka Monica ka batwa na ndenge pasalaka. Ah Monica la mama kasavu niko do mama kasavu za ko ngana za se. Na za se. Me baninga ba politicien ko. Odorin manda ma pet bien. Ba musu ba benga. Mais maman Kassavu atinda kaka moto yebisa ye ye boba contacter te papa pe ça les ali vraiment les gens n'habiter a tungi singa pendant une semaine j'ai contacté madame Kassavu na tinda moto te na yebi kuto moto wana te alors yo na peso kaka Poto sole to sauve mboka. Oko yuko sole mbona messenger te, kake na telephone mbaka. Me, on apprend pa na makaku ya mkolo nenga osote. Donc, les gens croient. Tala. Ere moko biki ezongi sakabatu. Mwona asa, denye de yanki. Elewe ezanga mwona makofi. Ha? Ya mwona zongi ni kolo taekwondo. Na zongi ni pina taekwondo. Mwana nalu biya yuru sana mabe landa biso. Medefis wabe landa biso. Paske yon juru, yo wajera mingi, self-defense. O wajera mingi o kenekabu en aeroporo mwobo bo yukuta na vile chema. Po bo yemike nga vile chema kuto ukuta na obo yemike avyo yukuti wajera peyi situweza ba sankre ba Dubai. Transit wale nga na Dubai wadame transit na Geneve na Paris. Ha? Mwa transit wakamu na mwanke na aeroporo. Face à face na vile chima. O salade. Tu ye mouga komete. Koutana. Donc, bitoumbe bandana ko soana. Yo ye binga. Bakongole balo bagane. Yo ye binga te. Yo nangai. A ye bisanga. Yo nangai. So ito koutani. Makamba olo bateke. Yo ye binga. Keske ti a di. Keske ti a fe. Non. Loko na kato zomu. O tali kaka na miso. Moni kaka. O vile chima. Ngape na tali kaka na moni kaka. O yombi. Soko zana sak na mambo. Iti sana se. Bitoumbe bandi. Bi botu na gozoa docteur na gowanga na msala tai docteur kama ngoloba no très mon peignetier bendini alors yango mtesa mais à côté qui yanke na za dernier de yanke ah na za dernier de yanke donc bi lokala mi kebi ke pesa na téléphone intel la ligne ko benga yo intel boye okozoa yango to. Et d'ailleurs, même WhatsApp, les numéros que j'utilise dans WhatsApp, ils ont des numéros qui sont beaucoup plus. Ils ont des numéros qui sont beaucoup plus. Numéro de ma mère, de ma famille, de ma numéro de mes enfants, c'est tout. C'est tout, mes enfants. Mes enfants, moi, je ne sais pas, numéro de ma famille, je ne même au lieu de ma famille, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne lobi na uti wazwa kuzem suwa misika. Na papwa. Uta ili koloku na kute ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Ya ba. Australia kule na papwa. Kuse ya uti kutima. Ah. Etu zaina ba pantra na kufuru kuse ba bimakati. Na luka ba kuse na muinda ba zalati. Mwa jine pa de kuse. Na sa ba kuse na ba kuse ite. Mama na nga bota ma ye moko. Basa haba kuzete, papa na nga wabota mami sato, ila hivi bana na bango. Bana ya bana, bakufa pe makonyosu. Bango misato bakufa. E bango misato telema sheferi, makamra bango bakutimu wana. Babota mimi sato, mibali mibali mwasi moko. Mibali, moko aboti bana preske mibali. Tolo, preske te aboti bana mibali. Bana ya mwope kubota mwaiti. Baza vremena banate. Oya mwasi kukota mwayete. Aboti bana soki misa kipakufa. Sof, ngayi na bafrere na ngayi tozani. E na hibi bambu. Na hibi leko se komini baka. Nasuma na bakuzo, kuze na yo. Ono, mama moko abengi, mabenga inga safe emwa. Kote banti ikuna. Na banti ikuna ya benginga. Alo bendo naza kuzini na yu. makile za nzoto no ya kweza epa bon tangena na bwali moto boy tangena na bande kona mai parce que tozaba kuzende or money na yakala na bosa na ah, yo papa mboka na binoni yana ayebite on comprend on comprend moi je pense que na za kuzende moto nyoso. Je suis cousin ya ndeko na ngaza na Beni, naza cousin ya ndeko na ngaza na Kisangani, na Bakongo, na Kasai, na Kasai te, na Kasai ba mon frère. Kuna ne ba mon frère. Alors, te, soki ozali mutete na cousin, cousin, cousin, soki ozali mutu ba mon frère, na Katanga partout. Alors, je pense que dans ce sens-là, on peut accepter, na Afrique to benga na kap, my brother, my sister, même si boza famille mon côté, ça ne dérange pas. Donc, je pas de téléphone, je n'ai pas de téléphone, je réseaux sociaux, je n'ai pas identifié les alliés. Voilà, c'est tout. Merci, merci, Mingi. Merci pour aller là. Et tout selon le lobby ou bien après lobby, pour la cause, nous avons des conditions dans le Zéla. Donc, au Zéla, quand ce qui est notre national à l'OBI, nous avons des conditions, mais nous avons des conditions qui ont fait sa confiance dans l'histoire de la Félix, l'histoire de la Colombie. Alors, on n'a rien. Alors, nous attendons qu'il parle et nous allons récupérer les nôtres. Oh, Baza, toujours, Baza, encore dans le thème, il y a qu'on comprend de ma quantité que Félix, c'est rien, nothing. Et l'autre, voilà. Photo, voilà. Voilà photo, Moussousou, photo, Oyo, ah oui. Photo, Oyo. Photo, Oyo, en Amérique. En Amérique. Siko, Ibaneko. Ah, Moutoupamba, ah, cuisinier, ah, Soula. Je n'ai pas croyé que par Américain, il n'y a pas ça. Si vous allez la plupart le blanc, la bas noir. La zone bas noir, mi balé, moko kuna na kota porte ya mbali, moko kote ya mopanzi mousousou ya mwasi. Mais au batikali, bazali ba blanc. Vous croyez que vraiment ba université au ya Amérique, boye. Un cuisinier ya pamba pamba. D'après bango cuisinier ya zamoutou ya malamouté. Vraiment pas signé contrat là yo yo paye combien y a batu bazana doctorat en Amérique combien y a batu ba américain bango moko bazo lokwa kozwa ya pamba ata ya semestre moko na université vraiment pas signé ba ndekona yoso ba ya ko engager ba signé contrat avec un congolais un noir un africain un cuisinier un soulard poya kotangi sabana na bango ngaye wala tatu ya mwanzo et ce bon moni qu'est-ce que j'écris c'est la politique wana zali cour ya introduction na ya relation internationale ya nazawa na ibite ezali fake news ezali photo na kanse bozo photo na photo ya na Facebook boko tsa mwana ba test ndenge ba kotsa botala. Donc, naïveté. Moutoua louka bande konabiso ou yoye a si a koufa. Bon, a koufa naïveté. A koufa, ça c'est vrai. Et tiens, tu sais qu'il y a tiki ou bébi sa batou nan dinga ou sa. A tiki et l'okote sauf mitou et béba. Voilà. Moi, na ou ya moua se zan panzi ou msou akange souki. Ya moutou mouin. Azali Sénégalaise. Une Sénégalaise. Une Sénégalaise qui connaît très bien mes enfants. Jouga les bosso kouta l'andanga. La sinsi kawe kouta l'andanga. Professeur, est-ce que Ozali papaya nan kore? A sauté, a continué beaucoup dans sa case du téléphone, a bengi, nazana papaya, moi nous tout l'anda kanakore. Mi balé balé au kita. Azali, azali awa, azali, n'habite azali awa. habito za chien. We are proud of him. Mwana moke. Barabaka tel père, tel fils. Tu sais qu'il y a une solution pour ta, nous coutons à transmettre mon enfant. Moi, la nika, nous coutons à papa. Vérité à vos enfants. Photo bachio nassim, oh, humilité. Humilité nini. Ndima qui bachio nassim, à protocole échoué, bachio nassim. Humilité. Au sali dilo, la sali dilo. Si vous avez boya, dilia. Toya, dilia, yo, boya, dilia, zate. Voilà, mes chers amis. Botika malamu, ténèbre, tout y a toujours. Tout qu'on l'aime pas jamais. N'a pas le bakango, ezala kabila ke, ezala Félix a ke. Ou a ko yana place ya Félix, sou ka zani pe ki zengi kola ye. Ezala zani mouta village, ezala zani mouta bakongo, ezala zani nani, moi je serai là, na kwa take. Voilà. Wopek sanga. Bokoloba nyonso, ah, l'omba kuna professeur, mais jamais pour y avoir l'omba, vous a congolété. Voilà ce qui me réjouit. Et l'on peut se faire power. Boko finga, jamais dans mon nom, tout le monde yake, vous a congolété. Bon, mais à côté kuna. Bon, mon, bibou, l'on n'est pas comme bima. Oui, bibou. Bon, mon, bibou, l'on a fumuli king, n'est pas comme bima. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ça s'arrête tout ça. Ah, ok.